passion de notre nation. L'homme blanc doit verser son sang face aux agresseurs de l'Ouest comme de l'Est. On est seul défenseur face à cette fête. Je combat le système, je combat le système, je combat le système, je combat le système. Notre drapeau, nous approcherons l'ordre du monde.